C'est pas vraiment non, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment non, non, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment la vie que j'aurais voulu, non. C'est même pas du tout ce que j'aurais cru. C'est pas vraiment non, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment la vie que j'aurais voulu, non. C'est pas vraiment ce que j'avais compris. C'est pas vraiment ce que j'aurais voulu, non. C'est pas vraiment ce que j'aurais cru. C'est pas vraiment, non. C'est pas vraiment. C'est pas vraiment, non. Ce n'est pas vraiment ce que j'aurais voulu. Ce n'est pas vraiment ce que j'aurais cru. C'est pas vraiment ce que j'aurais voulu. C'est pas vraiment du tout ce que j'aurais su, mais oh mami mami la mama mami la mami, oh la mami mami la mami mami mami mami, c'est maman mami mami mami mami qui décide, mais c'est pas vraiment mon mami qui fait ce qui est pas vraiment, oh di di di di di pom pom. C'est pas vraiment, pas vraiment, non, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu, c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu, c'est pas vraiment ce que je m'en ai dit, tu pives les papons, ce pibi là, ce pibi les mêmes, c'est pas vraiment ce que j'aurais conclu, c'est pas vraiment. Non, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment. Dali, nani, nani, nani. Papi, la papa, la titi, le monde. C'est maman, mi, maman, maman, maman, mani, mani. Tipi, les bonbons. Son pili, pili, bambon, pili, bambon. C'est pas vraiment ce que j'aurais voulu. C'est pas du tout ce que j'avais conclu. Pipi, pili, dandan, pili, pili, bambon.